إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأنا مسرور بلقائي معكم في هذا المسجد المبارك ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وكما سمعتم عنوان هذه المحاضرة حول ذكر الله سبحانه وتعالى ونداء لجميع المسلمين والمسلمات أن لا يكونوا من الذين غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يستغني عنه المسلم ولا المسلمة لا يستغني عنه المسلم ولا المسلمة ولو طرفة عين فذكر الله سبحانه وتعالى له أهمية عظيمة وقد ذكر علماء الإسلام فوائد الذكر بل قد عدها الإمام ابن القيم رحمه الله أو عد بعضا منها ووصل إلى 70 رحمه الله تعالى فأمر ذكر الله سبحانه وتعالى به يقوى الإيمان وبه تقوى الصلة بين العبد وربه ولذلك ما نراه من الضعف والنقص في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب ذلك الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل أمر به الله في كتابه الكريم وحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أما في القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال عز من قائل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous dans cette mosquée de Lancourt pour parler d'un sujet important qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut s'en passer. C'est une chose essentielle pour le musulman et pour la musulmane. C'est une chose essentielle pour sa réussite dans cette vie d'ici-bas et pour sa félicité et son bonheur dans l'au-delà. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement important que personne ne peut s'en passer, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Ainsi Allah Azza wa Jal nous ordonne de citer son nom, d'évoquer son nom, subhanahu wa ta'ala. Et son prophète alayhi salatu wa salam nous encourage fortement dans sa sunna authentique de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala par sa langue et par son cœur. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui permet aux musulmans d'augmenter sa foi et c'est ce qui lui permet d'avoir une relation solide avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce dont se plaignent beaucoup de musulmans, à savoir la baisse de la foi, ou à savoir des manquements vis-à-vis de leurs obligations et des interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délimités, eh bien celui qui raisonne et qui médite verra que le fait d'être négligent vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala en est l'une des causes majeures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous ordonne à plusieurs reprises de se rappeler de lui subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal, ô vous qui avez cru, rappelez-vous Allah abondamment. Rappelez-vous Allah beaucoup. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et lorsque vous avez terminé vos rites, en parlant des rites du pèlerinage, alors rappelez-vous Allah. Et celui qui médite également dans les différentes adorations du musulman, il verra que beaucoup d'adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont suivies de son rappel. Que dit-on juste après avoir accompli la salutation qui clôture la prière? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lorsque l'on termine le pèlerinage, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, fadhkurullah, kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Lorsque l'on termine le jeûne, qu'est-ce qui est légiféré? De prononcer le nom d'Allah, de proclamer le nom d'Allah, et ceci jusqu'à la prière de l'Eid. Et Allah Azza wa Jal dit également dans son noble livre, et ceux qui se rappellent Allah beaucoup, parmi les hommes et parmi les femmes, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Un pardon et une immense récompense. Et il y a de nombreux mérites à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, à évoquer son nom, à évoquer ses noms sublimes subhanahu wa ta'ala. Il y a de nombreux mérites, des mérites dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'a énuméré l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a énuméré plus de 70 mérites de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ala adullukum على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال ذكر الله. في هذا الحديث العظيم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الذكر وأن جنس الذكر خير من الصدقة وخير من الجهاد في سبيل الله. ولما جاء ذلك الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه قائلا يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي إن شعائر الإسلام قد كثرت علي فأوصني، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Et pour montrer le mérite immense du rappel d'Allah, il y a ce hadith authentique, le hadith d'Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, rapporté dans les Sunan des imams al-Tirmidhi et Ibn Majah rahimahumullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe des meilleures de vos actions, des plus aimées chez votre Seigneur, celle qui élève le plus vos degrés, celles qui sont meilleures que de donner en aumône de l'or et de l'argent, celle qui est meilleure que de rencontrer vos ennemis, de les combattre et que eux vous combattent. Ils ont dit, bien sûr, ô envoyé d'Allah, quel est cet acte qui est meilleur que tout cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dhikrullah, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cet homme qui est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que les différentes législations de l'islam commencent à devenir lourdes pour lui, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil sur lequel je puisse m'attacher et m'accrocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que ta langue ne cesse de prononcer le nom d'Allah. Que ta langue ne cesse de prononcer le nom d'Allah. C'est le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui adoucit le cœur. C'est le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait que le cœur, durci par les péchés et par les désobéissances à Allah, subhanahu wa ta'ala, s'adoucisse. Et que ce cœur puisse réagir aux exhortations présentes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa kadhalika qala alayhi salatu wa salam kama fi hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu alladhi rawahu al-Imam Muslim fi sahihih qala alayhi salatu wa salam سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذكر الله عز وجل فوائد كثيرة كما أسلفت. فمن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذكر الله يطرد الشيطان ويكسره. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش أي ومن يبتعد ويصود عن ذكر الله ماذا ما هو جزاؤه؟ قال الله نقيض له شيطانا أي نجعل شيطانا يكون معه ويكون قرينا له. والذي يدل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى يحفظ المسلم من الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن مكائد الشيطان ما أوصى به زكريا عليه السلام. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى أمر زكريا بخمس كلمات. أمره الله عز وجل بخمس كلمات أن يأمر بها بني إسرائيل. ومن تلكم الوصايا وتلكم الأوامر قال زكريا عليه السلام: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره فخرج سريعا حتى إذا على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Parmi les hadiths qui montrent également les mérites du rappel d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ont devancé al-mufarridoun. Ils ont dit, quels sont al-mufarridoun ou envoyés d'Allah? Il a répondu, ce sont ceux qui se rappellent beaucoup Allah parmi les hommes et les femmes. Et les mérites du rappel d'Allah sont extrêmement nombreux. Le premier de ces mérites est le fait que celui qui se rappelle Allah, subhanahu wa ta'ala, cela le préserve du diable. Cela le préserve des ruses du diable. Cela le préserve du diable en personne. Cela le préserve des insufflations du diable. Allah Azza wa Jal a mis en garde ceux qui se détournent de son rappel. Il a dit Azza wa Jal, et celui qui se détourne du rappel du miséricordieux, nous lui assignerons un diable qui sera son compagnon. Celui donc qui se détourne du rappel d'Allah et qui est négligent vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les conséquences néfastes de ce geste ou de cet acte, c'est qu'un diable sera à ses côtés à longueur de journée. Et le diable ne t'ordonnera pas le bien, au contraire, il t'ordonnera le mal et t'interdira le bien. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a ordonné à Yahya ibn Zakariya alayhi salam d'ordonner cinq choses aux fils d'Israël et de les mettre en pratique. Et parmi ces cinq choses, Zakariya alayhi salam leur a dit, et je vous ordonne de vous rappeler Allah. Car cela est comparable à une personne dont son ennemi est sorti à ses trousses, ou dont l'ennemi est à ses trousses, jusqu'à arriver devant une forteresse, il se protège de son ennemi. Ainsi l'homme ne peut préserver sa personne du diable qu'à travers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah azza wa jalla est donc pour le croyant une forteresse contre le diable. Ainsi celui qui se rappelle Allah azza wa jalla est protégé du diable. Il est protégé des djinns. Il est protégé du mauvais œil. Il est protégé de la sorcellerie. Ces trois choses dont se plaignent malheureusement de plus en plus de musulmans à notre époque. Et si seulement ces musulmans se remettaient en question et méditaient sur la raison de cela, Pourquoi sont-ils atteints par des djinns? Pourquoi sont-ils victimes du mauvais œil? Pourquoi sont-ils victimes de la sorcellerie? Au lieu de se remettre en question, que font malheureusement beaucoup de musulmans? Ils retournent chez les devins, chez les sorciers, chez les charlatans, en leur demandant de leur trouver une solution à leurs problèmes, alors que ces personnes mêmes sont celles qui sont à l'origine de ces problèmes. Ils aggravent leur cas en faisant cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un devin, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits. Et celui qui va voir un devin et qui croit en ce qu'il lui a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'une personne atteinte d'un djinn ou d'une sorcellerie a besoin de cela, de tomber dans un péché, dans un grand péché, voire de tomber dans la mécréance, wal'iyadu billah, au lieu de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui a le pouvoir de guérir, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut guérir en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes n'ont jamais connu la guérison, malgré qu'ils aient consommé des centaines, voire des milliers de médicaments? Et combien de personnes, Allah Azza wa Jal leur a accordé la guérison du jour au lendemain, sans qu'ils n'aient pris ne serait-ce qu'un comprimé? Ibrahim alayhi salam a dit, comme Allah Azza wa Jal nous en informe, « وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ أَشْفِينَ » Et si je suis malade, c'est lui qui me guérit. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas te soigner. Soigne-toi, mais ne te soigne pas en utilisant des moyens interdits. Tadawaw ibadallah, comme l'a dit le prophète sallam, soignez-vous aux serviteurs d'Allah. La tatadawaw bil haram. Ne vous soignez pas avec des choses interdites, mais utilise des remèdes qui sont licites. Et celui qui connaît un minimum sa religion verra que les médicaments licites sont extrêmement nombreux. ومن فوائد الذكر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وهو في الحقيقة من أحسن ما ألف في هذا الباب ذكر جملة من الفوائد رحمه الله تعالى منها أن ذكر الله يطرد الشيطان ومنها أنه يرضي الرحمن ومنها أنه يزيل الهم والغم عن القلب ومنها أن ذكر الله يفرح القلب ويجعله سرورا ومنها أن ذكر الله ينور الوجه ومنها أنه من الأسباب الجالبة للرزق ومنها أنه يورث القلب محبة الله فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ومنها أنه يجعل العبد منيبا إلى ربه راجعا إليه ومنها أن الله عز وجل يفتح للذاكر أبواب العلم والمعرفة فكم من علماء وكم من سلف إذا أشكلت عليهم مسألة تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر طالبين منه أن يفتح عليهم ويقولون يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. Parmi les mérites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs livres écrits dans ce domaine. Et c'est l'habitude de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il traite un sujet, il ne laisse plus grand-chose à ceux qui veulent continuer son travail. Il a cité plus de 70 mérites. Parmi les mérites du rappel qu'il a cité, rahimahullah, c'est que le rappel d'Allah éloigne le diable. Que le rappel d'Allah satisfait Allah subhanahu wa ta'ala et fait en sorte qu'Allah soit satisfait de toi. Le rappel d'Allah éloigne les problèmes, éloigne les soucis que peut subir l'être humain. Le rappel d'Allah fait entrer la joie dans le cœur du musulman. Le rappel d'Allah illumine le visage. Le rappel d'Allah fait en sorte que ta pourvoyance est plus grande. De se rappeler Allah fait en sorte que le musulman revienne à son Seigneur et se repente à lui. De se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'Allah azza wa jal t'aime et est une preuve de ton amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque tu aimes une personne, eh bien, tu la cites beaucoup. Également, le rappel d'Allah azza wa jal permet d'ouvrir à la personne les portes de la réflexion et de la compréhension. Et combien de salafs et combien de savants, lorsqu'ils sont confrontés à un sujet de la science qui demande une grande compréhension et qu'ils n'ont pas atteint ou qu'ils n'ont pas eu, eh bien, ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala en s'humiliant devant lui, en faisant son rappel, en l'invoquant, en disant « Oh, celui qui a enseigné Ibrahim, enseigne-moi. Oh, celui qui a accordé la compréhension à Sulaiman, accorde-moi la compréhension. » Wa min fawaid al-dhikr أنه يسير على اللسان لكن الله عز وجل يعطي الثواب الكثير والجزيل يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولأهمية هذا الحديث ختم به الإمام البخاري صحيحه. Parmi les mérites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que de se rappeler Allah azza wa jal est une chose aisée pour la langue. Il n'y a pas un membre de ton corps, cher musulman et musulmane, qui peut faire des mouvements en grande quantité sans éprouver de fatigue que la langue. Une personne peut parler pendant des heures et des heures et des heures sans sentir de fatigue dans sa langue. La langue est un organe qui peut avoir une grande activité sans se fatiguer. C'est donc simple de prononcer le nom d'Allah. Il est donc simple de se rappeler Allah Azza wa Jal avec sa langue. Mais malgré cette facilité, Allah Azza wa Jal accorde une immense récompense. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux paroles qui sont légères pour la langue, qui sont lourdes dans la balance, et qui sont aimés chez le tout miséricordieux, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. C'est un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, et l'imam al-Bukhari a même clôturé son sahih par ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وكذلك من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يذكر الذي ذكره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم ماذا قال الله بعد؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا ذكرت الله عز وجل فإن الله عز وجل يذكرك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: وما ذكرني عبدي في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. Parmi les mérites du rappel également, il y a le fait que celui qui se rappelle Allah Azzawajal, eh bien Allah Azzawajal cite son nom et fait ses éloges dans les cieux aux anges. Allah Azzawajal a dit: ô vous qui avez cru, rappelez-vous Allah beaucoup et glorifiez-le matin et soir. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous rappeler de lui, puis il nous cite la récompense de cela, ou l'un des mérites de se rappeler Allah: il prie sur vous ainsi que ses anges. Il prie sur vous, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fait tes éloges auprès des anges dans les cieux. ومن فوائد الذكر أنه ينيب عن بعض الطاعات، والدليل على ذلك الحديث المشهور، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وكذلك من فوائد الذكر أن الذكر يقوي البدن، الذكر يقوي القلب ويقوي الإيمان من جهة، لكنه يقوي البدن أيضا من جهة أخرى. والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف، وشكت الشغل الكثير في البيت، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها بخادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما: ألا أدلكما على أمر خير لكم من خادم؟ تسبحون أو تكبر تهلل تسبحون الله 33، وتهللون 33، وتكبرون 34 قبل النوم، فذلكم خير لكم من خادم. فذكر الله عز وجل يقوي البدن. Parmi les mérites du rappel d'Allah عز وجل, c'est que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala peut compenser une adoration. et prendre la place d'une adoration. Et la preuve est le hadith d'Abu Dhar, radiyallahu anh, lorsque des gens sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit: ô envoyé d'Allah, les riches ont plus de récompenses. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme l'on jeûne, mais eux peuvent donner en aumône ce qu'il leur reste de leur argent. Ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les riches avaient une faveur supplémentaire vis-à-vis d'eux, comme si cela n'était pas juste, ou comme si cela était inégal. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: voulez-vous que je vous informe des choses à travers lesquelles vous pourrez donner des aumônes? Ils ont dit: bien sûr, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour chaque tasbih, il y a une aumône. Pour chaque takbir, il y a une aumône. Pour chaque tahmid, il y a une aumône. Pour chaque tahlil, il y a une aumône. Et en ordonnant le bien, il y a une aumône. Et en interdisant le mal, il y a une aumône. Le tasbih qui est de dire subhanallah, le tahmid qui est de dire alhamdulillah, le tahlil qui est de dire la ilaha illallah, ceci revient à donner en aumône. Et parmi également les mérites du rappel d'Allah Azza wa Jal, que le rappel renforce le corps du musulman. Il le renforce physiquement. Le rappel d'Allah Azza wa Jal renforce la foi du musulman, lui permet de se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations. Mais le rappel d'Allah Azza wa Jal renforce également le corps humain. Et la preuve est le hadith où Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wa salam, s'est plaint au prophète alayhi salatu wa salam de sa faiblesse et des nombreuses tâches qu'elle devait faire chez elle. Et elle a demandé au prophète alayhi salatu wa salam de lui trouver une personne qui puisse l'aider dans ses tâches ménagères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille, ainsi qu'à Ali, son mari, radiyallahu anhuma: voulez-vous que je vous informe d'une chose qui est meilleure pour vous qu'un travailleur? De dire alhamdulillah 33 fois, de dire subhanallah 33 fois, de dire la ilaha illallah 33 fois, de dire Allahu Akbar 34 fois, cela est meilleur pour vous qu'un serviteur ou qu'un travailleur. Et combien de paroles des salafs montrent cela? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, en parlant de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: je m'étonne de sa force physique. Je m'étonne de sa force physique. Al-Imam Ibn al-Qayyim qui s'étonne de la force physique de son Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, entre autres, qu'il écrivait en une journée ce que les gens écrivaient en une semaine. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fait partie des savants qui ont combattu avec leurs plumes et leurs épées. Il a combattu les Tatars, et ceux qui l'ont vu combattre étaient étonnés de sa force physique rahimahullah ta'ala. وكذلك من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذلك يبعد عن مشابهة المنافقين. ماذا قال الله عز وجل عن المنافقين؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفة المنافقين أعاذنا الله وإياكم من النفاق، من صفة المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس أي يصلون بمرأة من الناس أي لأن الناس يرونهم فلولا رؤية الناس ما صلوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائد الذكر أنه يوقي من الأمراض. فمن أدلة ذلك الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نرى أناسا ابتلوا بعدة أمراض أو عندما يرى الإنسان إنسانا مبتلا أو مشلولا أو أعمى أو مجنونا أو أبرص أو غير ذلك من العيوب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء لم يصبه ذلك البلاء، دليل على أن ذكر الله عز وجل يوقي الإنسان من الأمراض. وكذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم تضرك لم تضرك. وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمى تلك الليلة. والحمى كل ما يلدغ ويؤذي من العقارب والحيات وغير ذلك. Parmi les mérites du rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il permet aux musulmans de ne pas ressembler aux hypocrites. Car parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est qu'ils se rappellent très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate An-Nisa, en parlant des hypocrites, et lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec fainéantise en le faisant parce que les gens les regardent et ils ne se rappellent Allah que très peu. Ils ne se rappellent Allah que très peu. Celui donc qui se rappelle Allah Azza wa Jal beaucoup, eh bien, aura préservé sa personne d'une des caractéristiques de l'hypocrisie wal iyadhu billah. Parmi les mérites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il permet d'éviter des maladies et de guérir les maladies. La preuve que cela permet d'éviter les maladies est l'invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on voit une personne atteinte d'une maladie, lorsque tu vois une personne qui est malade, une personne qui est handicapée, une personne qui a perdu la vue, une personne sourde ou muette, une personne qui a la maladie de la lèpre, ou quelque autre maladie, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne de dire « Alhamdulillah, alladhi afani mimma btalaka bih » Louange à Allah qui m'a préservé de ce dont tu as été éprouvé et qui m'a privilégié de par ces créatures d'un grand privilège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit cette invocation, ne sera pas atteint par cette maladie. Parmi les mérites du rappel d'Allah Azzawajal, également que le rappel d'Allah permet de guérir des maladies ou de repousser un mal. Lorsqu'un homme est venu se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam qu'un scorpion l'avait piqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu avais dit avant de dormir, si tu avais dit avant de dormir, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, je demande la protection, je demande la protection d'Allah par ses paroles complètes du mal qu'il a créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu avais dit cela, il ne t'aurait pas fait de mal, en parlant du scorpion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'autre hadith, celui qui dit cette même invocation, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, à trois reprises avant de dormir, al-huma ne lui fera pas de mal. Et al-huma ici, c'est tout ce qui pique ou tout ce qui mord, comme les scorpions, comme les araignées, comme les serpents et autres. Wa al-an natakallam عن الأسباب التي بسببها أهمل الناس ذكر الله. ما هي الأسباب؟ السبب الأول الجهل بأجر الذكر، أن كثيرا من المسلمين ومع شديد الأسف المسلمون الآن مصابون بداء الجهل. المسلمون مع شديد الأسف في هذا الزمان لا يتعلمون دينهم، مع أنه أغلى شيء وأهم شيء، لكنهم يكتفون بالقليل، وهذا نقص ينبغي أن يزال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالمسلم عليه أن يتعلم دينه، وأول شيء عليه أن يتعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يعرف التوحيد وأن يعمل به، وأن يعرف الشرك حتى يجتنبه. والعذر بالجهل مسألة عظيمة عند أهل العلم، لكن على المسلمين أن يتعلموا دينهم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأمور التي يجهلها المسلمون الأجر الذي يترتب من وراء الذكر. وعلى سبيل المثال ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، من قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد ذلك وورد أيضا ذلك في قول ربنا لك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي قال حين رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال عليه الصلاة والسلام رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، أيهم يكتبها أولا. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له كعدل 10 رقبة، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: إن الله عز وجل يبعث له مسلحة، يعني ملائكة تحرسه في النهار، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل عملا أكثر من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من الصحابة: ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك. قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وكذلك فإن غراس الجنة ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلو علم المسلمون الأجر المترتب على ذكر الله سبحانه وتعالى لأيقظهم ذلك من غفلتهم، ولا اهتموا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا لزال لسانهم رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. Quelles sont les causes qui expliquent l'indifférence et la négligence de beaucoup de musulmans, malheureusement, vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a beaucoup de raisons à cela. La première est l'ignorance des musulmans. Les musulmans, à notre époque, malheureusement, ne prennent pas la peine d'apprendre leur religion. Ils n'en connaissent que le strict minimum. Et je suis optimiste quand je dis cela. Le musulman doit donc apprendre sa religion, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'apprendre la science est une obligation pour tout musulman. Et Allah Azza wa Jalla a dit: et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Tu dois donc, chers musulmans et musulmanes, apprendre ta religion. Et la première chose à apprendre, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De connaître ton Seigneur, de connaître ses droits, de connaître tes devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier des devoirs est de l'adorer en lui vouant une adoration exclusive subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc connaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal, les 3 catégories d'unicité: l'unicité de la seigneurie, de savoir qu'Allah Azza wa Jal est le seul gouverneur de l'univers, c'est le seul pourvoyeur, c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui a le don de donner la vie et de donner la mort, c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de donner la pourvoyance à ses créatures, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui donne à cet oiseau qui sort le matin le ventre vide. C'est Allah Azza wa Jal qui lui donne la pourvoyance à cet oiseau lorsqu'il revient le soir le ventre plein. De savoir et de connaître les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Connais-tu les noms d'Allah? Si tu les connais par cœur, connais-tu leur signification? Et cela te permet-il de connaître mieux ton Seigneur et de le craindre? Il faut connaître les noms d'Allah et ses attributs. Savoir qu'Allah Azza wa Jal est le tout sage, que sa législation et que sa religion est sagesse entièrement. Et que la religion de l'islam est une religion parfaite. Et que la création d'Allah est une création parfaite. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Mulk, nous exhorte à regarder le ciel, si l'on peut y voir une fissure. Et de regarder encore et encore, tu ne trouveras pas de fissure. Tu ne trouveras aucune imperfection dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal est celui qui est capable de toutes choses. Celui qui, lorsqu'il dit « soit », elle est, subhanahu wa ta'ala. De savoir qu'Allah est plus grand que toutes choses. De savoir qu'Allah est plus grand que toutes choses doit susciter la peur d'Allah dans ton cœur. D'avoir peur d'Allah, tout ce que tu vois comme créature d'Allah Azza wa Jal, et l'immensité ne serait-ce que de cette terre qui n'est qu'une minime particule dans cet univers. D'avoir à l'esprit la grandeur d'Allah Azza wa Jal. De savoir qu'Allah Azza wa Jal est celui qui pardonne. Mais de ne pas oublier qu'Allah Azza wa Jal est dur en châtiment. Il faut donc que tu connaisses le nom d'Allah et ses attributs. Et également de connaître l'adoration d'Allah. Et de la vouer exclusivement à lui. Tu ne dois adorer qu'Allah Azza wa Jal. Et il faut que tu saches ce que signifie adorer Allah Azza wa Jal. C'est bien plus vaste que ce que les gens pensent. Adorer Allah, ce n'est pas seulement faire la prière, faire la zakat et le pèlerinage, et point final, non. D'invoquer Allah fait partie de l'adoration. D'avoir peur d'Allah fait partie de l'adoration. D'aimer Allah fait partie de l'adoration. D'espérer d'Allah fait partie de l'adoration. De placer sa confiance en Allah fait partie de l'adoration. De faire un vœu fait partie de l'adoration. De sacrifier une bête fait partie de l'adoration. Tout ceci doit être voué exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Apprends donc ta religion, chers musulmans et musulmanes. Et parmi les choses qu'il faut connaître également pour se rappeler Allah souvent, c'est de connaître les récompenses qu'Allah Azza wa Jal réserve à ceux qui évoquent son nom et qui font son rappel. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, lorsque l'imam dit « Amin », dites « Amin », celui dont le « Amin » coïncide avec le « Amin » des anges, eh bien, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Un hadith similaire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose lorsque l'on dit Allah sami' Allahu liman hamidah, lorsque l'on se relève de l'inclinaison. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit ou a entendu cet homme dire lorsqu'il s'est relevé de l'inclinaison, Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai vu une trentaine d'anges se précipiter lorsqu'ils ont entendu cette parole, se sont précipités, lequel allait l'écrire en premier, lequel allait l'inscrire en premier. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit subhanallah 33 fois après la prière, et qui dit également alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 33 fois, et termine la centième fois en disant la ilaha illallah, eh bien, ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont comparables à l'écume de la mer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, dans une journée 100 fois, eh bien, cela équivaut à avoir affranchi 10 esclaves. Ils lui seront inscrits sans bonnes actions, et lui seront effacés sans mauvaises actions, et cela sera pour lui une protection contre le diable ce jour-là. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, et Allah envoie des anges qui le protègent en cette journée, et personne n'aura fait un acte meilleur que lui, sauf celui qui a fait ou qui a dit plus que ce qu'il n'a dit. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit à un de ses compagnons, veux-tu que je t'enseigne des paroles? Si tu les dis, Allah te pardonnera même si tes péchés ont déjà été pardonnés. Il a dit, bien sûr, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, La ilaha illallah al-aliyul azim, le très haut, l'immense. La ilaha illallah al-hakimul karim, le tout sage et le généreux. La ilaha illallah subhanallah rabbus samawati wa rabbul arshil azim. Point de divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah. Qu'Allah soit glorifié, le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône immense. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Et lorsqu'Ibrahim, ou lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, la nuit de l'ascension, a rencontré Ibrahim alayhi salam, il lui a dit, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wassalam, transmets mon salam à ta communauté et informe-les que la terre du paradis est une terre bonne. Vous savez que la terre du paradis est composée de misc et de za'faran et de safran. Informe-les que la terre du paradis est bonne, que son eau est pure, et que cette terre est vaste, et c'est-à-dire qu'elle est droite, qu'elle ne connaît pas de collines ou de vallées, et informe-les que ces plantations sont subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est là que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans notre hadith, celui qui dit subhanallah wa bihamdih, eh bien, un palmier est planté pour lui au paradis. De connaître donc les récompenses qui sont réservées à ceux qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala va motiver le croyant et le musulman à se rappeler plus Allah subhanahu wa ta'ala et à faire en sorte que sa langue ne se sépare pas du rappel d'Allah azza wa jal. Parmi les causes également qui expliquent cela, l'ignorance encore, mais cette fois-ci de la signification des rappels et des invocations. De dire une chose que tu ne comprends pas ne fait pas le même effet que de dire une chose que tu comprends. Ainsi, lorsque tu fais le rappel d'Allah, ou lorsque tu as appris une invocation, il faut que tu en connaisses le sens, pour que cela puisse faire en toi l'effet escompté et attendu. Ce qui explique également la négligence des musulmans vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de toujours reporter. De toujours reporter, lorsque tu as l'occasion de faire un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ou une invocation, de toujours reporter, de dire « je la ferai à tel moment ». Tu viens d'accomplir ta prière, tu sors de suite de la mosquée en disant « de toute façon je ferai mon dhikr dans la voiture ou dans le chemin lorsque je rentrerai ». Et bien sûr, la plupart du temps, tu oublies de le faire. Ou bien, tu vas faire tes invocations ou tes rappels avant de dormir, juste après avoir terminé la lecture de ton livre. Et bien sûr, tu t'endormes en n'ayant ni lu ton livre, ni fait tes invocations du soir avant de dormir. Ainsi, ne reporte pas à après ce que tu peux faire. Le moment même, lorsque tu as terminé ta prière, prends le temps de te rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ton rappel, de faire tes invocations. Et nous sommes dans une époque où les gens sont préoccupés par cette vie d'ici-bas, wal'iyadu billah. Tout le monde est pressé, tout le monde a des choses à faire, tout le monde a des rendez-vous avec un tel et un tel. Les gens mangent vite, les gens font leurs courses vite, les gens rentrent vite, ils sortent vite. Ils ont toujours quelque chose à faire. Et cela les préoccupe du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si tu ne prends pas un temps dans lequel tu nourris ton cœur en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant Allah azza wa jal, eh bien jour après jour, ton cœur va durcir, et wal'iyadu billah, cela va faire en sorte que ta foi baisse et que les adorations et à leur tête la prière deviennent de plus en plus lourdes et elle deviendra un fardeau pour toi, wal'iyadu billah, alors qu'elle doit être pour toi une réjouissance. Également, parmi les causes de la négligence des musulmans vis-à-vis du rappel d'Allah, ce sont les péchés. Plus tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et moins tu feras son rappel. Ainsi Allah azza wa jalla a dit: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et lorsqu'un malheur vous touche, c'est par ce que, ou c'est à cause de ce que vos mains ont accompli. Et Allah Azza wa Jal est miséricordieux envers ses serviteurs. Allah Azza wa Jal est doux avec ses serviteurs. Car si Allah Azza wa Jal nous prenait par rapport au péché que l'on fait, comme il le dit Azza wa Jal, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ. Il n'y aurait pas un insecte qui pourrait marcher sur terre, car elle aurait été détruite depuis longtemps. Mais Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup. Ainsi, si l'on devait être châtié par rapport au péché que l'on fait, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, eh bien, il n'y aurait plus d'existence. La terre n'existerait plus. Et les salafs, rahimahumullah, considéraient le fait d'oublier le Coran pour celui qui l'a appris comme un malheur, comme une musibah. Et ils avaient pour preuve le verset d'Allah Azza wa Jal, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et il disait, et y a-t-il un malheur plus grand que d'oublier le Coran pour celui qui l'a appris? Ainsi, parmi les conséquences néfastes des péchés, c'est que tu fais un péché après. Plus tu fais de péchés, et plus tu en feras. Wal'iyadu billah. Et je terminerai par le dernier point, qui est une mise en garde contre le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala de façon innovée. Le rappel qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est fait de façon sincère à Allah subhanahu wa ta'ala et en totale conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la règle dans cela est que tout rappel qui est limité dans le temps ou dans l'espace ou dans la façon ou dans le nombre, tout ceci doit être en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. de dire Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. C'est légiféré ou pas? Oui ou pas? Oui. Mais de restreindre ce rappel dans un moment. De dire Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, au moment où je rentre chez moi, par exemple. À chaque fois que je rentre chez moi, ou dans un moment de la journée, lorsqu'il est 14h, ou 14h30, ou 15h, tous les jours, je dis 100 fois Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Là, on dit non. Tu as commis une innovation. Car tu as restreint un rappel pendant une heure ou à une heure bien précise sans que tu n'aies de preuve dans cela. Celui qui décide de dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois à chaque fois qu'il entre chez soi par exemple, cela est une innovation. Car il a restreint cela à un endroit bien précis. Celui qui a choisi de dire Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Kabir. Ici, il a restreint un rappel à une façon bien précise, qui n'est pas rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il a innové. Ou celui qui restreint son rappel à un nombre bien précis. Celui qui dit, moi je vais dire Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim, 153 fois tous les jours. Le fait de limiter cela à 153 fois tous les jours, sans qu'il n'y ait de preuve, est une innovation. Et celui qui fait un rappel innové, plus il se rappellera, plus il fera ce rappel, et plus il s'éloignera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son acte ne sera pas accepté de lui. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa raddun. » Celui qui fait un acte sans qu'il n'y ait dans celui-ci notre commandement est rejeté. Il faut donc se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les rappels. Car beaucoup, malheureusement, de musulmans ne font pas attention à l'authenticité des rappels qu'ils font ou des invocations. Soit ils utilisent un hadith qui est mensonger ou faible, ou soit alors ils forgent un rappel de sa propre imagination. Et la meilleure des voies est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a le mieux évoqué le nom d'Allah, celui qui a fait le rappel d'Allah azza wa jal, de la façon la plus parfaite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne d'autre après lui, alayhi salatu wa sallam. C'est donc lui que tu dois prendre comme exemple. C'est donc lui que tu dois prendre comme guide, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Nasalullah azza wa jal an yaj'alana من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم وفقنا لذكرك اللهم وفقنا لذكرك وشكر نعمك إنك يا الله القادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.